des malheurs au ciel, des yeux pleins de merveilles, te voir dans cette glace, qu'un peuple sans menace. Pour mur des courants d'air, des cœurs pour les lumières, et dansant du sans en, une prêtre pour les vivants. Vengeance d'un dieu colère, dans sa main droite tient l'univers, et dans sa tête tous nos mystères. Ses overdoses de fausses humaines, coulant au fond de ses veines, pour la purité à la vie, et le pardon d'une petite fille. Futur sans avenir, des gens se battent et viennent mourir au pied d'une statue qu'on vénère, comme tous les saints et Dieu le Père. Leurs larmes qui agrandissent la mer, tous ces enfants la tête en l'air, cherchent au fond de l'horizon le moindre signe de compassion. Du vent, de l'eau et du tonnerre, la vengeance d'un dieu colère, dans sa main droite tient l'univers, et dans sa tête tous nos mystères. Ses overdoses de fausses humaines, coulant au fond de ses veines, pour la purité à la vie, et le pardon d'une petite fille. Miséricorde, espérance, plus que des mythes de l'existence, lequel n'insufflant plus que vie dans des enveloppes de l'oubli. Qui sont ces hommes désabusés et leurs héros incontrôlés, oser détourner la nature, la progresse monte en voiture. Du vent, de l'eau et du tonnerre, vengeance d'un dieu colère, dans sa main droite tient l'univers, et dans sa tête tous nos mystères. Ses overdoses de fausses humaines, coulant au fond de ses veines, pour la purité à la vie, et le pardon d'une petite fille. Du vent, de l'eau et du tonnerre, la vengeance d'un dieu colère, dans sa main droite tient l'univers, et dans sa tête tous nos mystères. C'est ce genre de rose de fausses humaines, coulant au fond de ses veines, pour la purité à la vie, et le pardon d'une petite fille.